Section 22. De Mémoire d'outre-tombe, tome 1, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Première partie, livre 7, suite. Je m'asseyais avec mon fusil au milieu des ruines. Je tirais de mon havresac le manuscrit de mon voyage en Amérique. J'en déposais les pages séparées sur l'herbe autour de moi. Je relisais et corrigeais une description de forêt, un passage d'Atala, dans les décombres d'un amphithéâtre romain, me préparant ainsi à conquérir la France. Puis, je serrais mon trésor dont le poids, mêlé à celui de mes chemises, de ma capote, de mon bidon de fer blanc, de ma bouteille clissée et de mon petit homère, me faisait cracher le sang. J'essayais de fourrer Atala avec mes inutiles cartouches dans ma giberne. Mes camarades se moquaient de moi et arrachaient les feuilles qui débordaient des deux côtés du couvercle de cuir. La Providence vint à mon secours. Une nuit, ayant couché dans un grenier à foin, je ne trouvais plus mes chemises dans mon sac à mon réveil. On avait laissé les paperasses. Je bénis Dieu. Cet accident, en assurant ma gloire, me sauva la vie, car les 60 livres qui gisaient entre mes deux épaules m'auraient rendu poitrinaire. « Combien ai-je de chemises ?» disait Henri IV à son valet de chambre. « 12, sire. Encore y en a-t-il de déchirés. Et de mouchoirs, est-ce pas 8 que j'ai ? Il n'y en a pour 7 heures que 5. » Le Béarnais gagna la bataille d'Ivry sans chemise. Je n'ai pu rendre son royaume à ses enfants en perdant les miennes. L'ordre arriva de marcher sur Thionville. Nous faisions 5 à 6 lieues par jour. Le temps était affreux. Nous cheminions au milieu de la pluie et de la fange, en chantant « Ô Richard, ô mon roi, pauvre Jacques !» Arrivés à l'endroit du campement, n'ayant ni fourgon ni vivres, nous allions avec des ânes qui suivaient la colonne, comme une caravane arabe, chercher de quoi manger dans les fermes et les villages. Nous payions très scrupuleusement. Je subis néanmoins une faction correctionnelle pour avoir pris sans y penser 2 poires dans le jardin d'un château. Un grand clocher, une grande rivière et un grand seigneur, dit le proverbe, sont de mauvais voisins. Nous plantions au hasard nos tentes, dont nous étions sans cesse obligés de battre la toile afin d'en élargir les fils et d'empêcher l'eau de la traverser. Nous étions 10 soldats par tente. Chacun à son tour était chargé du soin de la cuisine. Celui-ci allait à la viande, celui-là au pain, celui-là au bois, celui-là à la paille. Je faisais la soupe à merveille. J'en recevais de grands compliments, surtout quand je mêlais à la ratatouille du lait et des choux à la mode de Bretagne. J'avais appris chez les Iroquois à braver la fumée, de sorte que je me comportais bien autour de mon feu de branches vertes et mouillées. Cette vie de soldat est très amusante. Je me croyais encore parmi les Indiens. En mangeant notre gamelle sous la tente, mes camarades me demandaient des histoires de mes voyages. Ils me les payaient en beau compte. Nous mentions tous, comme un caporal au cabaret, avec un conscrit qui paye l'écho. Une chose me fatiguait, c'était de laver mon linge. Il le fallait, et souvent, car les obligeants voleurs ne m'avaient laissé qu'une chemise empruntée à mon cousin Armand et celle que je portais sur moi. Lorsque je savonnais mes chausses, mes mouchoirs et ma chemise au bord d'un, la tête en bas et les reins en l'air, il me prenait des étourdissements. Le mouvement des bras me causait une douleur insupportable à la poitrine. J'étais obligé de m'asseoir parmi les prêles et les cressons, et au milieu du mouvement de la guerre, je m'amusais à voir couler l'eau paisible. Lope de Vega fait laver le bandeau de l'amour par une bergère. Cette bergère m'eût été bien utile pour un petit turban de toile de bouleau que j'avais reçu de mes Floridiennes. Une armée est ordinairement composée de soldats à peu près du même âge, de la même taille, de la même force. Bien différente était la nôtre. Assemblage confus d'hommes faits, de vieillards, d'enfants descendus de leurs colombiers, jargonnant normands, bretons, picards, auvergnats, gascons, provençal, languedocien. Un père servait avec ses fils, un beau-père avec son gendre, un oncle avec ses neveux, un frère avec un frère, un cousin avec un cousin. Cet arrière-ban, tout ridicule qu'il paraissait, avait quelque chose d'honorable et de touchant, parce qu'il était animé de convictions sincères. Il offrait le spectacle de la vieille monarchie et donnait une dernière représentation d'un monde qui passait. J'ai vu de vieux gentilshommes, à mine sévère, à poils gris, habits déchirés, sac sur le dos, fusil en bandoulière, se traînant avec un bâton et soutenu sous le bras par un de leurs fils. J'ai vu M. de Boisu, le père de mon camarade, massacré aux états de Rennes auprès de moi, marcher seul et triste, pieds nus dans la boue, portant ses souliers à la pointe de sa baïonnette, de peur de les user. J'ai vu de jeunes blessés couchés sous un arbre, et un aumônier en redingote et en étole, à genoux, à leur chevet, les envoyant à Saint-Louis, dont ils s'étaient efforcés de défendre les héritiers. Toute cette troupe pauvre, ne recevant pas un sou des princes, faisait la guerre à ses dépens, tandis que les décrets achevaient de la dépouiller et jetaient nos femmes et nos mères dans les cachots. Les vieillards d'autrefois étaient moins malheureux et moins isolés que ceux d'aujourd'hui. Si, en demeurant sur la terre, ils avaient perdu leurs amis, peu de choses du reste avaient changé autour d'eux. Étrangers à la jeunesse, ils ne l'étaient pas à la société. Maintenant, un traînard dans ce monde a non seulement vu mourir les hommes, mais il a vu mourir les idées. Principes, mœurs, goûts, plaisirs, peines, sentiments, rien ne ressemble à ce qu'il a connu. Il est d'une race différente de l'espèce humaine au milieu de laquelle il achève ses jours. Et pourtant, France du XIXe siècle, apprenez à estimer cette vieille France qui vous valait. Vous deviendrez vieille à votre tour, et l'on vous accusera, comme on nous accusait, de tenir à des idées surannées. Ce sont vos pères que vous avez vaincus. Ne les reniez pas, vous êtes sortis de leur sang. S'ils n'eussent été généreusement fidèles aux antiques mœurs, vous n'auriez pas puisé dans cette fidélité native l'énergie qui a fait votre gloire dans les mœurs nouvelles. Ce n'est, entre les deux France, qu'une transformation de vertu. Auprès de notre camp indigent et obscur en existait un autre brillant et riche. À l'état-major, on ne voyait que fourgons remplis de comestibles. On n'apercevait que cuisiniers, valets, aides de camp. Rien ne représentait mieux la cour et la province, la monarchie expirante à Versailles et la monarchie mourante dans les bruyères de Duguesclin. Les aides de camp nous étaient devenus odieux. Quand il y avait quelque affaire devant Thionville, nous crions « En avant, les aides de camp !» comme les patriotes criaient « En avant, les officiers !» J'éprouvais un saisissement de cœur lorsque, arrivé par un jour sombre, en vue des bois qui bordaient l'horizon, on nous dit que ces bois étaient en France. Passer en armes la frontière de mon pays me fit un effet que je ne puis rendre. J'eus comme une espèce de révélation de l'avenir, d'autant que je ne partageais aucune des illusions de mes camarades, ni relativement à la cause qu'ils soutenaient, ni pour le triomphe dont ils se berçaient. J'étais là comme Falkland dans l'armée de Charles Ier. Il n'y avait pas un chevalier de la Manche malade, éclopé, coiffé d'un bonnet de nuit sous son castor à trois cornes, qui ne se crût très fermement capable de mettre en fuite à lui tout seul 50 jeunes vigoureux patriotes. Ce respectable et plaisant orgueil, source de prodiges à une autre époque, ne m'avait pas atteint. Je ne me sentais pas aussi convaincu de la force de mon invincible bras. Nous surgîmes invaincus à Thionville le 1er septembre, car, chemin faisant, nous ne rencontrâmes personne. La cavalerie campa à droite, l'infanterie à gauche du grand chemin qui conduisait à la ville du côté de l'Allemagne. De l'assiette du camp, on ne découvrait pas la forteresse, mais, à 600 pas en avant, on arrivait à la crête d'une colline d'où l'œil plongeait dans la vallée de la Moselle. Les cavaliers de la marine liaient la droite de notre infanterie au corps autrichien du prince de Waldeck, et la gauche de la même infanterie se couvrait des 1800 chevaux de la Maison Rouge et de Royal Allemand. Nous nous retranchâmes sur le front par un fossé, le long duquel étaient rangés les faisceaux d'armes. Les 8 compagnies bretonnes occupaient 2 rues transversales du camp et, au-dessous de nous, s'alignait la compagnie des officiers de Navarre, mes camarades. Ces travaux, qui durèrent 3 jours, étant achevés, monsieur et le comte d'Artois arrivèrent. Ils firent la reconnaissance de la place, consomma en vain, quoique Wimpfen la sembla vouloir rendre. Comme le grand Condé, nous n'avions pas gagné la bataille de Rocroi. Ainsi, nous ne pûmes nous emparer de Thionville. Mais nous ne fûmes pas battus sous ses murs, comme Feuquières. On se logea sur la voie publique, dans la tête d'un village servant de faubourg à la ville, en dehors de l'ouvrage à cornes qui défendait le pont de la Moselle. On se fusilla de maison en maison, notre poste se maintint en possession de celle qu'il avait prise. Je n'assistai point à cette première affaire. Armand, mon cousin, s'y trouva et s'y comporta bien. Pendant qu'on se battait dans ce village, ma compagnie était commandée pour une batterie à établir au bord d'un bois qui coiffait le sommet d'une colline. Sur la déclivité de cette colline, des vignes descendaient jusqu'à la plaine adhérente aux fortifications extérieures de Thionville. L'ingénieur qui nous dirigeait nous fit élever un cavalier gazonné, destiné à nos canons. Nous filâmes un boyau parallèle à ciel ouvert pour nous mettre au-dessous du boulet. Ces terrasses allaient lentement, car nous étions tous, officiers jeunes et vieux, peu accoutumés à remuer la pelle et la pioche. Nous manquions de brouettes et nous portions la terre dans nos habits qui nous servaient de sacs. Le feu d'une lunette s'ouvrit sur nous. Il nous incommodait d'autant plus que nous ne pouvions riposter. Deux pièces de huit et un obusier à la cohorne, qui n'avait pas la portée, étaient toute notre artillerie. Le premier obus que nous lançâmes tomba en dehors des glacis. Il excita les huées de la garnison. Peu de jours après, il nous arriva des canons et des canonniers autrichiens. 100 hommes d'infanterie et un piquet de cavalerie de la marine furent, toutes les 24 heures, relevés à cette batterie. Les assiégés se disposèrent à l'attaquer. On remarquait, avec le télescope, du mouvement sur les remparts. À l'entrée de la nuit, on vit une colonne sortir par une poterne et gagner la lunette à l'abri du chemin couvert. Ma compagnie fut commandée de renfort. À la pointe du jour, 500 ou 600 patriotes engagèrent l'action dans le village, sur le grand chemin, au-dessus de la ville. Puis, tournant à gauche, ils vinrent à travers les vignes prendre notre batterie en flanc. La marine chargea bravement, mais elle fut culbutée et nous découvrit. Nous étions trop mal armés pour croiser le feu. Nous marchâmes la baïonnette en avant. Les assaillants se retirèrent je ne sais pourquoi. S'ils eussent tenu, ils nous enlevaient. Nous eûmes plusieurs blessés et quelques morts, entre autres le chevalier de la Baronnais, capitaine d'une des compagnies bretonnes. Je lui portai malheur. La balle qui lui ôta la vie fit ricochet sur le canon de mon fusil et le frappa d'une telle roideur qu'elle lui perça les deux tempes. Sa cervelle me sauta au visage. Inutile et noble victime d'une cause perdue. Quand le maréchal d'Aubeterre tint les états de Bretagne, il passa chez monsieur de la Baronnais le père, pauvre gentilhomme, demeurant à Dinard, près de Saint-Malo. Le maréchal, qui l'avait supplié de n'inviter personne, aperçut en entrant une table de 25 couverts et gronda amicalement son hôte. « Monseigneur, lui dit monsieur de la Baronnais, je n'ai à dîner que mes enfants. » Monsieur de la Baronnais avait 22 garçons et une fille, tous de la même mère. La Révolution a fauché avant la maturité cette riche moisson du père de famille. Le corps autrichien de Waldeck commença d'opérer. L'attaque devint plus vive de notre côté. C'était un beau spectacle la nuit. Des pots à feu illuminaient les ouvrages de la place, couverts de soldats. Des lueurs subites frappaient les nuages ou le zénith bleu lorsqu'on mettait le feu au canon, et les bombes, se croisant en l'air, décrivaient une parabole de lumière. Dans les intervalles des détonations, on entendait des roulements de tambours, des éclats de musique militaire, et la voix des factionnaires sur les remparts de Thionville et à nos postes. Malheureusement, ils criaient en français dans les deux camps « Sentinelles, prenez garde à vous !» Si les combats avaient lieu à l'aube, il arrivait que l'hymne de l'alouette succédait au bruit de la mousqueterie, tandis que les canons qui ne tiraient plus nous regardaient bouche béante silencieusement par les embrasures. Le chant de l'oiseau, en rappelant les souvenirs de la vie pastorale, semblait faire un reproche aux hommes. Il en était de même lorsque je rencontrais quelques tués parmi des champs de luzerne en fleurs ou au bord d'un courant d'eau qui baignait la chevelure de ces morts. Dans les bois, à quelques pas des violences de la guerre, je trouvais de petites statues des saints et de la Vierge. Un chevrier, un pâtre, un mendiant portant besace, agenouillés devant ces pacificateurs, disaient leur chapelet au bruit lointain du canon. Toute une commune vint une fois, avec son pasteur, offrir des bouquets au patron d'une paroisse voisine, dont l'image demeurait dans une futaie, en face d'une fontaine. Le curé était aveugle. Soldat de la milice de Dieu, il avait perdu la vue dans les bonnes œuvres, comme un grenadier sur le camp de bataille. Le vicaire donnait la communion pour son curé, parce que celui-ci n'aurait pu déposer la sainte hostie sur les lèvres des communiants. Pendant cette cérémonie et du sein de la nuit, il bénissait la lumière. Nos pères croyaient que les patrons des hameaux, Jean le Silentière, Dominique l'Encuirassé, Jacques l'Intercisse, Paul le Simple, Bâle l'Ermite et tant d'autres, n'étaient point étrangers au triomphe des armes par qui les moissons sont protégées. Le jour même de la bataille de Bouvines, des voleurs s'introduisirent à Auxerre dans un couvent sous l'invocation de Saint-Germain et dérobèrent les vases sacrés. Le sacristain se présente devant la chaste du bienheureux évêque et lui dit en gémissant « Germain, où étais-tu lorsque ces brigands ont osé violer ton sanctuaire ?» Une voix sortant de la chasse répondit « J'étais auprès de Cisoing, non loin du pont de Bouvines. » Avec d'autres saints, j'aidais les Français et leur roi, à qui une victoire éclatante a été donnée par notre secours. Cui fuit auxilio victoria praestita nostro. Nous faisions des battues dans la plaine et nous les poussions jusqu'au hameau sous les premiers retranchements de Thionville. Le village du grand chemin Transmoselle était sans cesse pris et repris. Je me trouvais deux fois à ces assauts. Les patriotes nous traitaient d'ennemis de la liberté, d'aristocrates, de satellites de Capet. Nous les appelions brigands, coupe-têtes, traîtres et révolutionnaires. On s'arrêtait quelquefois et un duel avait lieu au milieu des combattants devenus témoins impartiaux. Singulier caractère français que les passions mêmes ne peuvent étouffer. Un jour, j'étais de patrouille dans une vigne. J'avais, à 20 pas de moi, un vieux gentilhomme chasseur qui frappait avec le bout de son fusil sur les ceps, comme pour débusquer un lièvre. Puis, il regardait vivement autour de lui dans l'espoir de voir partir un patriote. Chacun était là, avec ses mœurs. Un autre jour, j'allais visiter le camp autrichien. Entre ce camp et celui de la cavalerie de la marine se déployait le rideau d'un bois contre lequel la place dirigeait mal à propos son feu. La ville tirait trop, elle nous croyait plus nombreux que nous l'étions, ce qui explique les pompeux bulletins du commandant de Thionville. Comme je traversais ce bois, j'aperçois quelque chose qui remuait dans les herbes. Je m'approche. Un homme étendu de tout son long, le nez en terre, ne présentait qu'un large dos. Je le crus blessé, je le pris par le chignon du cou et lui soulevai à demi la tête. Il ouvre des yeux effarés, se redresse un peu en s'appuyant sur ses mains. J'éclate de rire. C'était mon cousin Moreau. Je ne l'avais pas vu depuis notre visite à Madame de Chastenay. Couché sur le ventre à la descente d'une bombe, il lui avait été impossible de se relever. J'eus toutes les peines du monde à le mettre debout. Sa bedaine était triplée. Il m'apprit qu'il servait dans les vivres et qu'il allait proposer des bœufs au prince de Waldeck. Au reste, il portait un chapelet. Hugues Métel parle d'un loup qui résolut d'embrasser l'état monastique, mais n'ayant pu s'habituer au maigre, il se fit chanoine. En rentrant au camp, un officier du génie passa près de moi, menant son cheval par la bride. Un boulet atteint la bête à l'endroit le plus étroit de l'encolure et la coupa net. La tête et le cou restent pendus à la main du cavalier qu'ils entraînent à terre de leur poids. J'avais vu une bombe tomber au milieu d'un cercle d'officiers de marine qui mangeaient, assis en rond. La gamelle disparut. Les officiers culbutés et ensablés criaient comme le vieux capitaine de vaisseau « Feu de tribord, feu de bâbord, feu partout, feu dans ma perruque !» Ces coups singuliers semblent appartenir à Thionville. En 1558, François de Guise mit le siège devant cette place. Le maréchal Strozzi y fut tué, parlant dans la tranchée audit sieur de Guise, qui lui tenoit alors la main sur l'épaule. Il s'était formé derrière notre camp une espèce de marché. Les paysans avaient amené des carteaux de vin blanc de Moselle qui demeurèrent sur les voitures. Les chevaux dételés mangeaient, attachés à un bout des charrettes, tandis qu'on buvait à l'autre bout. Des fouets brillaient çà et là. On faisait frire des saucisses dans des poêlons, bouillir des gaudes dans des bassines, sauter des crêpes sur des plaques de fonte, enfler des pancakes sur des paniers. On vendait des galettes anisées, des pains de seigle d'un sou, des gâteaux de maïs, des pommes vertes, des œufs rouges et blancs, des pipes et du tabac, sous un arbre aux branches duquel pendaient des capotes de gros draps marchandées par les passants. Des villageoises, à califourchon sur un escabeau portatif, traillaient des vaches, chacun présentant sa tasse à la laitière et attendant son tour. On voyait rôder devant les fourneaux les vivandiers en blouse, les militaires en uniforme, des cantinières allaient criant en allemand et en français, Des groupes se tenaient debout, d'autres assis à des tables de sapin plantées de travers sur un sol raboteux. On s'abritait de l'aventure sous une toile d'emballage ou sous des rameaux coupés dans la forêt, comme à Pâques fleuries. Je crois aussi qu'il y avait des noces dans les fourgons couverts, en souvenir des rois francs. Les patriotes auraient pu facilement, à l'exemple de Majorien, enlever le chariot de la mariée. Rapit et Seda Victor, Nuben Temque Nurum. Sidoine, Apollinaire. On chantait, on riait, on fumait. Cette scène était extrêmement gaie la nuit, entre les feux qui l'éclairaient à terre et les étoiles qui brillaient au-dessus. Quand je n'étais ni de garde aux batteries, ni de service à la tente, j'aimais à souper à la foire. Là recommençaient les histoires du camp, mais, animées de Rogom et de Cherly, elles étaient beaucoup plus belles. Un de nos camarades, capitaine à Brevet, dont le nom s'est perdu pour moi dans celui de Dinarzade que nous lui avions donné, était célèbre par ses contes. Il eût été plus correct de dire « Scheherazade », mais nous n'y regardions pas de si près. Aussitôt que nous le voyions, nous courions à lui, nous le disputions. C'était à qui l'aurait, à son écho. Taille courte, cuisse longue, figure avalée, moustache triste, yeux faisant la virgule à l'angle extérieur, voix creuse, grande épée à fourreau café au lait, prestance de poète militaire, entre le suicide et le luron, Dinarzade, goguenard sérieux, ne riait jamais, et on ne le pouvait regarder sans rire. Il était le témoin obligé de tous les duels et l'amoureux de toutes les dames de comptoir. Il prenait au tragique tout ce qu'il disait et n'interrompait sa narration que pour boire à même d'une bouteille, rallumer sa pipe ou avaler une saucisse. Une nuit qu'il pleuvinait, nous faisions cercle au robinet d'un tonneau penché vers nous sur une charrette dont les brancards étaient en l'air. Une chandelle collée à la futaille nous éclairait. Un morceau de serpillière, tendu du bout des brancards à deux poteaux, nous servait de toit. Dinarzade, son épée de guingois à la façon de Frédéric II, debout entre une roue de la voiture et la croupe d'un cheval, racontait une histoire à notre grande satisfaction. Les cantinières qui nous apportaient la pitance restaient avec nous pour écouter notre arabe. La troupe attentive des bacchantes et des silènes qui formaient le chœur accompagnait le récit des marques de sa surprise, de son approbation ou de son improbation. « Messieurs, dit le ramenteur, vous avez tous connu le chevalier vert qui vivait au temps du roi Jean. » Et chacun de répondre « Oui, oui !» Dinarzade engloutit, en se brûlant, une crêpe roulée. « Ce chevalier vert, messieurs, vous le savez, puisque vous l'avez vu, était fort beau. Quand le vent rebroussait ses cheveux roux sur son casque, cela ressemblait à un tortil de filasse autour d'un turban vert. L'assemblée « Bravo !» Par une soirée de mai, il sonna du cor au pont-levis d'un château de Picardie ou d'Auvergne, n'importe. Dans ce château demeurait la dame des grandes compagnies. Elle reçut bien le chevalier, le fit désarmer, conduire au bain, et se vint asseoir avec lui à une table magnifique. Mais elle ne mangea point, et les pages servants étaient muets. L'assemblée « Oh ! Oh !» La dame, messieurs, était grande, plate, maigre et disloquée comme la femme du major. D'ailleurs, beaucoup de physionomie et l'air coquet. Lorsqu'elle riait et montrait ses dents longues sous son nez court, on ne savait plus où l'on en était. Elle devint amoureuse du chevalier et le chevalier amoureux de la dame, bien qu'il en eût peur. Dinarzade vida la cendre de sa pipe sur la jante de la roue et voulut recharger son brûle-gueule. On le força de continuer. Le chevalier vert, tout anéanti, se résolut de quitter le château. Mais avant de partir, il requiert de la châtelaine l'explication de plusieurs choses étranges. Il lui faisait en même temps une offre loyale de mariage, si toutefois elle n'était pas sorcière. La rapière de Dinarzade était plantée droite et roide entre ses genoux. Assises et penchées en avant, nous faisions au-dessous de lui, avec nos pipes, une guirlande de flamèches comme l'anneau de Saturne. Tout à coup, Dinarzade s'écria comme hors de lui « Oh, messieurs, la dame des grandes compagnies, c'était la mort !» Et le capitaine, rompant les rangs et s'écriant « La mort, la mort !» mit en fuite les cantinières. La séance fut levée, le brouhaha fut grand et les rires prolongés. Nous nous rapprochâmes de Thionville au bruit du canon de la place. Le siège continuait, ou plutôt il n'y avait pas de siège, car on ne trouvait point la tranchée et les troupes manquaient pour investir régulièrement la place. On comptait sur des intelligences et l'on attendait la nouvelle des succès de l'armée prussienne ou de celle de Clairefait, avec laquelle se trouvait le corps français du duc de Bourbon. Nos petites ressources s'épuisaient. Paris semblait s'éloigner. Le mauvais temps ne cessait. Nous étions inondés au milieu de nos travaux. Je m'éveillais quelquefois dans un fossé avec de l'eau jusqu'au cou. Le lendemain, j'étais perclus. Parmi mes compatriotes, j'avais rencontré Ferron de la Cigognière, mon ancien camarade de classe à Dinan. Nous dormions mal sous notre pavillon. Nos têtes, dépassant la toile, recevaient la pluie de cette espèce de gouttière. Je me levais et j'allais avec Ferron me promener devant les faisceaux, car toutes nos nuits n'étaient pas aussi gaies que celles de Dinarzade. Nous marchions en silence, écoutant la voix des sentinelles, regardant la lumière des rues de nos tentes, de même que nous avions vu autrefois au collège les lampions de nos corridors. Nous causions du passé et de l'avenir, des fautes que l'on avait commises, de celles que l'on commettrait. Nous déplorions l'aveuglement des princes qui croyaient revenir dans leur patrie avec une poignée de serviteurs et raffermir par le bras de l'étranger la couronne sur la tête de leurs frères. Je me souviens d'avoir dit à mon camarade, dans ses conversations, que la France voudrait imiter l'Angleterre, que le roi périrait sur l'échafaud, et que, vraisemblablement, notre expédition devant Thionville serait un des principaux chefs d'accusation contre Louis XVI. Ferron fut frappé de ma prédiction. C'est la première de ma vie. Depuis ce temps, j'en ai fait bien d'autres, tout aussi vraies, tout aussi peu écoutées. L'accident était-il arrivé, on se mettait à l'abri, et l'on m'abandonnait aux prises avec le malheur que j'avais prévu. Quand les Hollandais essuient un coup de vent en haute mer, ils se retirent dans l'intérieur du navire, ferment les écoutilles et boivent du punch, laissant un chien sur le pont pour aboyer à la tempête. Le danger passé, on renvoie Fidèle à sa niche au fond de la cale, et le capitaine revient jouir du beau temps sur le Gaillard. J'ai été le chien hollandais du vaisseau de la Légitimité. Les souvenirs de ma vie militaire se sont gravés dans ma pensée. Ce sont eux que j'ai retracés au sixième livre des martyrs. Note. En plus d'un endroit de ce sixième livre, en effet, c'est Chateaubriand qui parle sous le nom d'Eudore, particulièrement dans cette page sur les vieilles nocturnes du camp. Épuisé par les travaux de la journée, je n'avais durant la nuit que quelques heures pour délasser mes membres fatigués. Souvent, il m'arrivait, pendant ce court repos, d'oublier ma nouvelle fortune. Et lorsque, aux premières blancheurs de l'aube, les trompettes du camp venaient à sonner l'air de Diane, j'étais étonné d'ouvrir les yeux au milieu des bois. Il y a pourtant un charme à ce réveil du guerrier échappé au péril de la nuit. Je n'ai jamais entendu, sans une certaine joie belliqueuse, la fanfare du clairon, répétée par l'écho des rochers, et les premiers hennissements des chevaux qui saluaient l'aurore. J'aimais avoir le camp plongé dans le sommeil, les tentes encore fermées, d'où sortaient quelques soldats à moitié vêtus, le centurion qui se promenait devant les faisceaux d'armes, en balançant son sabre de vigne, la sentinelle immobile qui, pour résister au sommeil, tenait un doigt levé dans l'attitude du silence, le cavalier qui traversait le fleuve coloré des feux du matin, le victimaire qui puisait l'eau du sacrifice, et souvent un berger appuyé sur sa houlette qui regardait boire son troupeau. Fin de note. Barbare de l'Armorique, au camp des princes, je portais Homère avec mon épée. Je préférais ma patrie, la pauvre, la petite île d'Aharon, aux 100 villes de la Crète. Je disais comme Télémaque, l'âpre pays qui ne nourrit que des chèvres, mais plus agréable que ceux où l'on élève des chevaux. Mes paroles auraient fait rire le candide Ménélas, Agacos Ménélaos. Le bruit se répandit qu'enfin on allait en venir à une action. Le prince de Waldeck devait tenter un assaut, tandis que, traversant la rivière, nous ferions diversion par une fausse attaque sur la place du côté de la France. 5 compagnies bretonnes, la mienne comprise, la compagnie des officiers de Picardie et de Navarre, le régiment des volontaires, composé de jeunes paysans lorrains et de déserteurs des divers régiments, furent commandés de service. Nous devions être soutenus de Royal Allemand, des escadrons des mousquetaires et des différents corps de dragons qui couvraient notre gauche. Mon frère se trouvait dans cette cavalerie avec le baron de Montboissier, qui avait épousé une fille de M. de Malesherbes, sœur de madame de Rosambeau, et par conséquent tante de ma belle-sœur. Nous escortions 3 compagnies d'artillerie autrichienne avec des pièces de gros calibre et une batterie de 3 mortiers. Nous partîmes à 6 heures du soir. À 10, nous passâmes la Moselle au-dessus de Thionville sur des pontons de cuivre. Ameina fluenta, subterta labantis, tacito rumore Mosellae, Ozone. Au lever du jour, nous étions en bataille sur la rive gauche, la grosse cavalerie s'échelonnant aux ailes, la légère en tête. À notre second mouvement, nous formâmes en colonne et nous commençâmes de défiler. Vers 9 heures, nous entendîmes à notre gauche le feu d'une décharge. Un officier de carabiniers accourant à bride abattue vint nous apprendre qu'un détachement de l'armée de Kellermann était prêt de nous joindre et que l'action était déjà engagée entre les tirailleurs. Le cheval de cet officier avait été frappé d'une balle au chanfrein. Il se cabrait en jetant l'écume par la bouche et le sang par les naseaux. Ce carabinier, le sabre à la main sur ce cheval blessé, était superbe. Le corps parti de Metz manœuvrait pour nous prendre en flanc. Il avait des pièces de campagne dont le tir entama le régiment de nos volontaires. J'entendis les exclamations de quelques recrues touchées du boulet. Les derniers cris de la jeunesse, arrachée toute vivante de la vie, me firent une profonde pitié. Je pensais aux pauvres mères. Les tambours battirent la charge et nous allâmes en désordre à l'ennemi. On s'approcha de si près que la fumée n'empêchait pas de voir ce qu'il y avait de terrible dans le visage d'un homme prêt à verser votre sang. Les patriotes n'avaient point encore acquis cet aplomb que donne la longue habitude des combats et de la victoire. Leurs mouvements étaient mous, ils tâtonnaient. 50 grenadiers de la vieille garde auraient passé sur le ventre d'une masse hétérogène de vieux et jeunes nobles indisciplinés. 1 000 à 1 200 fantassins s'étonnèrent de quelques coups de canon de la grosse artillerie autrichienne. Ils se retirèrent. Notre cavalerie les poursuivit pendant 2 lieues. Une sourde émeute allemande appelée Libé ou Liba s'était attachée à mon cousin Armand et l'avait suivie. Je la trouvais assise sur l'herbe qui ensanglantait sa robe. Son coude était posé sur ses genoux pliés et relevés. Sa main passée sous ses cheveux blonds épars appuyait sa tête. Elle pleurait en regardant 3 ou 4 tués, nouveaux sourds et muets, gisant autour d'elle. Elle n'avait point ouï les coups de la foudre dont elle voyait l'effet, et n'entendait point les soupirs qui s'échappaient de ses lèvres quand elle regardait Armand. Elle n'avait jamais entendu le son de la voix de celui qu'elle aimait, et n'entendrait point le premier cri de l'enfant qu'elle portait dans son sein. Si le sépulcre ne renfermait que le silence, elle ne s'apercevrait pas d'y être descendue. Au surplus, les champs de carnage sont partout. Au cimetière de l'Est, à Paris, 27 000 tombeaux, 230 000 corps, vous apprendront quelle bataille la mort livre jour et nuit à votre porte. Après une halte assez longue, nous reprîmes notre route et nous arrivâmes à l'entrée de la nuit sous les murs de Thionville. Les tambours ne battaient point. Le commandement se faisait à voix basse. La cavalerie, afin de repousser toute sortie, se glissa le long des chemins et des haies jusqu'à la porte que nous devions canonner. L'artillerie autrichienne, protégée par notre infanterie, prit position à 25 toises des ouvrages avancés, derrière des gabions épaulés à la hâte. À 1 heure du matin, le 6 septembre, une fusée lancée du camp du prince de Waldeck, de l'autre côté de la place, donna le signal. Le prince commença un feu nourri, auquel la ville répondit vigoureusement. Nous tirâmes aussitôt. Les assiégés, ne croyant pas que nous eussions des troupes de ce côté, et n'ayant pas prévu cette insulte, n'avaient rien au rempart du midi. Nous ne perdîmes pas pour attendre. La garnison arma une double batterie qui perça nos épaulements et démonta 2 de nos pièces. Le ciel était en feu, nous étions ensevelis dans des torrents de fumée. Il m'arriva d'être un petit Alexandre. Exténué de fatigue, je m'endormis profondément presque sous les roues des affûts où j'étais de garde. Un obus, crevé à 6 pouces de terre, m'envoya un éclat à la cuisse droite. Réveillé du coup, mais ne sentant point la douleur, je ne m'aperçus de ma blessure qu'à mon sang. J'entourai ma cuisse avec mon mouchoir. À l'affaire de la plaine, 2 balles avaient frappé mon havresac pendant un mouvement de conversion. Atala, en fille dévouée, se plaça entre son père et le plomb ennemi. Il lui restait à soutenir le feu de l'abbé Morlaix. À 4 heures du matin, le tir du prince de Waldeck cessa. Nous crûmes la ville rendue, mais les portes ne s'ouvrirent point et il nous fallut songer à la retraite. Nous rentrâmes dans nos positions après une marche accablante de 3 jours. Le prince de Waldeck s'était approché jusqu'au bord des fossés qu'il avait essayé de franchir, espérant une reddition au moyen de l'attaque simultanée. On supposait toujours des divisions dans la ville, et l'on se flattait que le parti royaliste apporterait les clés au prince. Les Autrichiens, ayant tiré à Barbette, perdirent un monde considérable. Le prince de Waldeck eut un bras emporté. Tandis que quelques gouttes de sang coulaient sous les murs de Thionville, le sang coulait à torrents dans les prisons de Paris. Ma femme et mes sœurs étaient plus en danger que moi. Nous levâmes le siège de Thionville et nous partîmes pour Verdun, rendu le 2 septembre aux Alliés. Longwy, patrie de François de Mercy, était tombée le 23 août. De toutes parts, des festons et des couronnes attestaient le passage de Frédéric Guillaume. Je remarquai au milieu des paisibles trophées l'aigle de Prusse attaché sur les fortifications de Vauban. Elle n'y devait pas rester longtemps. Quant aux fleurs, elles allaient bientôt voir se faner comme elles les innocentes créatures qui les avaient cueillies. Un des meurtres les plus atroces de la Terreur fut celui des jeunes filles de Verdun. 14 jeunes filles de Verdun, dit Riouf, d'une candeur sans exemple, et qui avaient l'air de jeunes vierges parées pour une fête publique, furent menées ensemble à l'échafaud. Elles disparurent tout à coup et furent moissonnées dans leur printemps. La cour des femmes avait l'air, le lendemain de leur mort, d'un parterre dégarni de ses fleurs par un orage. Je n'ai jamais vu parmi nous de désespoir pareil à celui qu'excita cette barbarie. Verdun est célèbre par ses sacrifices de femmes. Au dire de Grégoire de Tours, d'Euteric, voulant dérober sa fille aux poursuites de Théodebert, la plaça dans un tombereau attelé de 2 bœufs indomptés et la fit précipiter dans la Meuse. L'instigateur du massacre des jeunes filles de Verdun fut le poétéro-régicide Ponce de Verdun, acharné contre sa ville natale. Ce que l'almanach des Muses a fourni d'agents de la Terreur est incroyable. La vanité des médiocrités en souffrance produisit autant de révolutionnaires que l'orgueil blessé des cul-de-jatte et des avortons. Révolte analogue des infirmités de l'esprit et de celles du corps. Ponce attacha à ses épigrammes émoussées la pointe d'un poignard. Fidèle apparemment aux traditions de la Grèce, le poète ne voulait offrir à ses dieux que le sang des vierges, car la convention décréta sur son rapport qu'aucune femme enceinte ne pouvait être mise en jugement. Il fit aussi annuler la sentence qui condamnait à mort Madame de Bonchamp, veuve du célèbre général vendéen. Hélas, nous autres royalistes, à la suite des princes, nous arrivâmes au revers de la Vendée sans avoir passé par sa gloire. Nous n'avions pas à Verdun pour passer le temps cette fameuse comtesse de Saint-Balmont qui, après avoir quitté les habits de femme, montait à cheval et servait elle-même d'escorte aux dames qui l'accompagnaient et qu'elle avait laissées dans son carrosse. Nous n'étions pas passionnés pour le vieux Gaulois et nous ne nous écrivions pas des billets en langage d'Amadis, Arnaud. La maladie des Prussiens se communiqua à notre petite armée. J'en fus atteint. Notre cavalerie était allée rejoindre Frédéric Guillaume à Valmy. Nous ignorions ce qui se passait et nous attendions d'heure en heure l'ordre de nous porter en avant. Nous reçûmes celui de battre en retraite. Extrêmement affaibli et ma gênante blessure ne me permettant de marcher qu'avec douleur, je me traînais comme je pus à la suite de ma compagnie qui bientôt se débanda. Jean Balut, fils d'un meunier de Verdun, partit fort jeune de chez son père avec un moine qui le chargea de sa besace. En sortant de Verdun, la colline du Gué, selon Saumaise, Ware Dunum, je portais la besace de la monarchie, mais je ne suis devenu ni contrôleur des finances, ni évêque, ni cardinal. Si, dans les romans que j'ai écrits, j'ai touché à ma propre histoire, dans les histoires que j'ai racontées, j'ai placé des souvenirs de l'histoire vivante dont j'avais fait partie. Ainsi, dans la vie du duc de Berry, j'ai retracé quelques-unes des scènes qui s'étaient passées sous mes yeux. Quand on licencie une armée, elle retourne dans ses foyers. Mais les foyers de l'armée de Condé avaient-ils des foyers? Où les devait guider le bâton qu'on leur permettait à peine de couper dans les bois de l'Allemagne? après avoir déposé le mousquet qu'ils avaient pris pour la défense de leur roi. Il fallut se séparer. Les frères d'armes se dirent un dernier adieu et prirent divers chemins sur la terre. Tous allèrent, avant de partir, saluer leur père et leur capitaine, le vieux Condé en cheveux blancs. Le patriarche de la gloire donna sa bénédiction à ses enfants, pleura sur sa tribu dispersée et vit tomber les tentes de son camp avec la douleur d'un homme qui voit s'écrouler les toits paternels. Moins de 20 ans après, le chef de la nouvelle armée française, Bonaparte, prit aussi congé de ses compagnons, tant les hommes et les empires passent vite, tant la renommée la plus extraordinaire ne sauve pas du destin le plus commun. Fin de la section 22.